Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Il est monté à cheval sur la roue, au milieu de l'eau, et il cloue ses planches. Il aura comme ça un peu plus de force. C'est une machine qui ne sert qu'à donner de la force. Elle sert à ramasser un peu de la force qui est dans ce monde et qui se perd. Elle ne fait absolument rien, cette machine. Elle apporte seulement de la force. Elle n'efface pas l'homme. Sans l'homme, la force arriverait dans l'atelier. Mais elle ne pourrait rien faire. Elle serait exactement pareille à ce qu'elle est dans le ruisseau. C'est une machine qui ne fait pas aller plus vite. Pourquoi plus vite? Est-ce qu'on n'a pas le temps? Le temps, c'est le temps pendant lequel on vit. Elle n'oblige pas Jules à faire plus de draps qu'avant, quand il pédalait avec ses pieds. Il en ferait plus. Pourquoi? Là, comme il fait, il en produit assez pour habiller toute la vallée, du haut en bas et des pieds à la tête. Même il en reste. Il en resterait plus. Ça serait de la fatigue en magasin. Le corps aussi, ça s'économise. Il faut bien nous laisser la liberté de vivre, quoi. Il irait habiller les autres vallées. Ah, laissez donc les autres vallées qu'elles s'habillent si elles ne veulent pas aller nues. Et si elles n'ont pas d'atelier comme le mien, laissez faire qu'un hiver ou deux, le froid leur pince les fesses, et ils trouveront bien la malice de torsader leur laine et de la tramer. Allez donc. Ce ne sont pas les ruisseaux, ni les moutons, ni les roues de bois qui manquent. Ni les hommes travailleurs, ni ceux que ça intéressera de combiner des draps, des couleurs, des tentures. Dans les autres vallées, là-bas. Pourquoi voulez-vous que je prenne la place de ceux-là? Il faut de la place pour tout le monde. Il faut que tout le monde vive. Il faut bien qu'ils mangent ceux-là, là-bas aussi. Je ne peux pas manger plus que mon ventre, moi. Pourquoi voulez-vous que j'accapare la nourriture des autres? C'est une machine sans initiative. C'est une machine domestique. L'homme garde pour lui l'initiative, le plaisir de travailler. L'homme garde la joie de créer. Et il arrange sa roue paisiblement à coups de marteau. Et puis, tenez, il se repose. Il a le temps. Il fume une cigarette et il regarde la terre autour de lui. Henriette est sous les saules, avec ses paquets de laine de toutes les couleurs. Et on la voit marier les fils entre les doigts et reculer la tête pour voir comment ça fait. Les faucheurs taillent des couloirs dans les champs de blé. La moisson est drue sur la terre. On dirait que toutes les tiges sont bâties en fer. Les lieurs de gerbes se reposent près des lisières. Un a mis le genou en terre. Il a dressé la gourde et boit avec un fil de vin qui fait l'arc. Les fermes sont de loin en loin dans la vallée, d'abord posées sur un petit carré de pré vert, puis entouré de blé sur pied, puis d'étels déjà rasés. Tous les champs sont bordés d'une ligne de saules en laine bourrue ou de vernes qui sont comme des points de croix ou de frênes, tous très verts. Une ligne verte autour du champ, bien encadrée. Et de temps en temps, de dessous cette bordure d'ombre, les hommes sortent, entrent dans le champ et travaillent. D'autres vont sur la route, balançant sur l'épaule la faux qui, de temps en temps, reflète l'éclair du soleil et fait voler les alouettes. De carré d'arbre en carré d'arbre, de champ en champ, de ferme en ferme, avec les perches, les groupes d'hommes, les chevaux, les chars, les chemins, tout s'ajoutant, la vallée s'allonge, d'ombre en ombre, de soleil en soleil, avec le frémissement des trembles et le lourd reflet sombre que se passent lentement de l'un à l'autre les frênes et les saules, jusqu'au grand verger, comme un marécage d'ombre, où dort le village. Avec deux grands toits luisants qu'on voit, et le clocher déjà rogné d'un côté par l'ombre de la montagne, et il n'est plus comme une tour, il est comme une navette de tisserand. Et de village en village, avec les champs et les fermes, la vallée s'allonge le long du torrent, tourne la montagne, on ne la voit plus, et de détour en détour, tournant des montagnes et des montagnes, on l'imagine, s'allonge jusqu'aux plaines, s'élargit, occupe la terre, avec ses villages, ses vergers, ses fermes auréolées de prés verts, puis de moissons, puis d'étels où deux, trois, quatre ou 10 points noirs travaillent, qui sont des hommes, des paysans. C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.